Troisième temps de notre semaine sur l'histoire des collections et des collectionneurs dans La Fabrique de l'Histoire. Aujourd'hui, l'émission d'archives autour de la figure du collectionneur au XIXe siècle. Après les collectionneuses, lundi, la collection des présidents de la République dans le documentaire d'hier que vous pouvez réécouter sur notre site. Nous allons ce matin dresser le portrait du collectionneur au XIXe siècle. Que collectionnait-il? Où achetait-il ses œuvres? Comment concevait-il son rôle social? C'est ce que nous verrons avec Séverine Yatar qui a préparé cette semaine avec nous, avec Daniel Königsberg qui lira pour nous des textes qui seront commentés par l'historienne Anne-Martin Fugier, historienne spécialiste du XIXe siècle, auteur de La vie d'artiste au XIXe siècle et plus récemment d'une trilogie sur le XXe siècle, la Galeriste, collectionneur et artiste, tous trois parus chez Actes Sud. Emmanuel Charpie sera également avec nous, il est chargé de recherche au CNRS, rattaché à l'université de Lille 3, et il est auteur, dans quelques mois on l'attend, d'une histoire des intérieurs parisiens qui s'intitulera « Le théâtre des objets » chez Flammarion. Vente aux enchères publiques par suite de décès des tableaux, aquarelles et dessins, objets d'art et de curiosités garnissant l'atelier de Dantan Jeune, sculpteur, Hôtel Drouot, salle 5. Vendredi 24 et samedi 25 mai 1889, exposition publique jeudi. Maître Notin, commissaire-priseur, 6 rue Saint-Georges. Monsieur Arthur Sless, expert, 6 rue Saint-Georges. Collection d'aquarelles, dessins et pastels. Collection de tableaux anciens, d'après Champaigne, Vandel, Chazal, Mignard, Rigaud, Rubens, Titien. Marbre de Dantan Jeune, objets divers, collection d'armes orientales démasquinées d'or et d'argent, casque, brassard, bouclier, sabre, yatagan, lance, flèche, etc. La collection sera divisée. Armes européennes, bouclier, épée, pulvérin, hache d'armes, pistolet, couteau de chasse, etc. La collection sera divisée. Lustre Louis XV à 6 lumières ornées de cristaux, lion et lionne empaillés. Collection de coléoptères, collection d'objets égyptiens, la collection sera divisée. Collection des camées du Vatican, objets non catalogués, tableaux, études, gravures, etc. Merci Daniel Königsberg. Bonjour Séverine Yatar. Bonjour. Bonjour à vous Anne-Martin Fugier. Bonjour. Merci d'être là et bonjour à vous Manuel Charpie. Qu'est-ce que ça nous dit Manuel Charpie, cette collection vendue à Drouot en 1889, le caractère hétéroclite d'une collection 19e? Oui, et puis ça dit aussi, je pense qu'on va y revenir, un passage important du monde justement des artistes, des ateliers à la bourgeoisie, y compris la moyenne et petite bourgeoisie. Comme c'est indiqué dans l'annonce, ces grandes collections faites par des artistes, qui sont en même temps des collections de peu de choses, de coléoptères, sont à chaque fois divisées, c'est-à-dire qu'en fait elles sont éclatées pour la clientèle qui vient à Drouot se fabriquer des débuts de collection ou compléter ses collections. On disait tout l'autre jour, lundi, avec notre invitée Julie Verlaine, que le 19e siècle marquait un changement par rapport à l'idée de collection Anne-Martin Fugier. Un changement de quelle nature, pourrait-on dire? En tout cas, moi, ça m'évoque, le texte que nous venons d'entendre, ça m'évoque l'impression qu'a eu Renoir quand il est entré chez Victor Choquet. Victor Choquet, qui était un des grands collectionneurs des impressionnistes après, mais qui avait commencé à aller beaucoup à Drouot. D'ailleurs, il était employé des douanes et il passait tout son temps à Drouot. Et un de ses problèmes, c'est qu'il ne pouvait pas quitter Paris, on ne pouvait pas le changer de poste parce qu'il allait trop souvent à Drouot et qu'il n'aurait pas eu une salle des ventes ailleurs. Et donc, il achetait absolument tout, aussi bien des yatagans que des coquillages. Et Renoir, qu'il avait fait venir pour faire un portrait de sa femme, entre chez lui et est effrayé parce qu'il voit les entassements de tout ce qu'on vient de lire là. Et au milieu de tout ça, de temps en temps, un David sortait, une gravure sortait. Enfin, ça devait être assez impressionnant. En tous les cas, en ce qui concerne les espaces, les lieux où se vendent les objets, il va y avoir des changements. À la fois, j'imagine, là, on parle de l'hôtel de Rouault, mais peut-être les salles de vente vont se multiplier. Et puis, les publics. Il me semble qu'à une époque, il n'est pas mal vu, mais presque, parce qu'il y a cette figure du collectionneur un peu foufou, un peu excentrique. Et ça va devenir, au contraire, un espace où il y a plus de personnes qui viennent et où il fait bon de s'y montrer. Et où il y a une diversité aussi, peut-être, de population qui vient à ces ventes. Manuel Charpie. Oui, alors les salles des ventes ne se multiplient pas, on pourrait dire que c'est plutôt le phénomène inverse, c'est que ça se concentre Paris en une seule salle, en gros à partir des années 1830, et puis l'hôtel de Rouault ouvre en 1852, et ça devient vraiment le temple des collectionneurs, du bon goût et de la collection. Et c'est aussi le lieu où on fabrique le prix des choses, collectivement, par le système des enchères. Et donc ça va devenir le lieu des collections d'objets rares, d'objets uniques ou rares. Donc il y a effectivement des nouveaux lieux. Le basculement, je pense, est plutôt autour de 1850, enfin années 50-60, avec l'ouverture de Rouault, avec aussi la multiplication des magasins de curiosités, des antiquaires, qui vont aussi d'ailleurs vendre souvent de la peinture contemporaine. Et juste sur Drouot, pour terminer, le Drouot a cette particularité de vendre des objets rares, uniques, et n'a pas le droit de vendre des objets neufs, sauf pour la peinture et l'art en général, où Drouot va se consacrer aussi à l'art contemporain. Anne-Martin Fugier. Oui, c'est ça qui est nouveau d'ailleurs, c'est que juste avant l'ouverture de Drouot, des peintres ont essayé de vendre leurs propres œuvres aux enchères. Mmh. Et bon, au début, ça n'a pas vraiment marché, mais il y avait quand même quelque chose de nouveau dans l'air, c'est-à-dire qu'on pouvait vendre du contemporain. Ce que vous appelez du contemporain, c'est des œuvres fraîches, fraîchement peintes. Du 19e. Qu'on appelait à l'époque des modernes, soyons clairs, on a parlé de contemporain qu'à partir de 1960, donc c'est tout récent. Mais à l'heure actuelle, on est bien obligé de dire contemporain pour des artistes vivants, finalement. Voilà. À cette époque-là. À cette époque-là, voilà. Et donc, Drouot s'est mis à compter pour faire la cote, y compris des artistes contemporains. Alors, ce qui est étrange, c'est qu'on ne dit pas collectionneur à l'époque, Anne-Martin Fugier. J'ai cru comprendre qu'on avait d'autres termes pour qualifier ces collectionneurs. Ils s'appellent curieux dans le temps, curieux, au XVIIIe siècle. Oui, curieux autrefois, et ensuite plutôt amateur. Et collectionneur arrive quand même dans les années 40, mais il y a encore un mélange avec les termes anciens. Et justement, sur ce changement, cette bascule par rapport au XVIIIe siècle dont nous parlait Julie Verlaine, Manuel Charpie, elle disait, en fait, au XVIIIe siècle, c'est le noble qui anoblit la collection. Et au XIXe, le changement, c'est que c'est la collection qui finit par anoblir celui qui l'achète ou qui va finir par anoblir le bourgeois qui s'y adonne. Oui, en tout cas, elle est censée le faire. Ce n'est pas toujours si évident que cela. Mais effectivement, c'est ce que disait Séverine tout à l'heure, une recherche de légitimation sociale et culturelle, c'est évident. Drouot permet comme ça de construire des collections. Et ce que nous disait le texte aussi, c'est qu'on vient acheter des collections déjà faite, ce qui est un peu paradoxal, puisque normalement la collection, c'est la consécration d'une pratique de collecte, d'une culture personnelle. Et en même temps, on vient à Drouot pour acheter des collections déjà à moitié faites. Mm-hmm. Donc là, oui, il s'agit clairement de capter On va accélérer le rythme. Voilà, on accélère le processus. On n'a pas toujours le temps non plus, puisqu'on ce sont une bourgeoisie qui travaille, souvent une bourgeoisie d'affaires, des hauts fonctionnaires, etc. Donc on capte comme ça des collections déjà à moitié entamées. Et on capte en même temps, en venant à Drouot, l'origine de ces collections. C'est ce qui est important à Drouot, c'est qu'on annonce, on énonce les propriétaires successifs, on fait une sorte de généalogie des objets, et donc en achetant les objets, on s'insère dans cette généalogie. Alors, avant cette création de Drouot, on est en 1841, voici une description d'une grande collection, celle d'un officier de la Légion d'honneur, M. Pankouk, lu par Daniel Königsberg. À mon petit-fils, Arthur Pankouk. Mon cher enfant, c'est à toi, C'est à ton instruction que j'ai voulu consacrer les petits musées où j'ai réuni depuis 30 ans une foule d'objets qui devront t'intéresser vivement. Je les ai recueillis dans mes voyages avec ton père, que je consultais souvent et qui lui-même a puisé dans cette collection une instruction aussi variée que positive. J'ai remarqué souvent que les amateurs d'objets d'art et d'antiquités forment des collections dont le pêle-mêle déplaît à l'esprit, qui est toujours charmé par l'ordre et la clarté. J'ai donc voulu classer par siècle et par pays les objets que j'avais rassemblés, et j'ai vu avec plaisir cet ordre devenir une source d'instruction pour moi et même pour mes amis. Le premier projet de ces collections m'a été suggéré par la publication que j'ai faite du grand ouvrage sur l'Égypte. Pour accroître les connaissances que je voulais acquérir à ce sujet, j'ai recueilli, en divers lieux, et j'ai fait venir d'Égypte même, les objets qui forment aujourd'hui une collection qui a guidé mes études sur cette contrée. Pendant 30 années, j'ai recueilli moi-même et presque jour par jour cette foule d'objets curieux qui, par leur classification, offrent aujourd'hui un ensemble où l'on peut apprendre facilement l'histoire de la civilisation, celle des sciences et des arts, non seulement à leur naissance, mais même à diverses époques, depuis les temps les plus éloignés. J'ai souvent regretté que le gouvernement qui possède tant de richesses en ce genre ne les ait pas encore classées méthodiquement pour instruire nos jeunes lycéens qui en auraient fait chaque semaine une excursion, tantôt chez les peuples sauvages, tantôt en Égypte, puis même en Chine, et qui auraient passé des temps des pharaons à ceux des Césars et du Moyen-Âge au temps de la Renaissance. C'est donc avec moi, cher enfant, que tu vas faire ces faciles excursions. Pendant 30 ans, ces objets ont été pour moi un sujet de réflexion qui a eu mille charmes, qui m'a fait mieux voir, mieux comprendre une foule d'ouvrages ou de récits que ces études si pleines d'intérêt peuvent seules bien expliquer. Il faut donc que tu suives et étudies ces objets par ordre de temps et de lieu. Pour bien connaître l'humanité et son histoire, on doit étudier l'homme dans l'état sauvage, à son début dans la civilisation. Aucun habitant des diverses régions du monde n'a pu naître civilisé. L'homme est né pour se perfectionner. J'ai encore réuni et classé une foule d'objets qui doivent appeler ton attention. Ils doivent être pour toi plus tard l'objet d'une méditation historique. Alors on est dans l'ordre de la raison avec cette collection de Pankouk. C'est l'ordre contre le pêle-mêle, Anne-Martin Fugier. C'est aussi cette dimension pédagogique qui est très proche du cabinet de curiosité de l'ancien régime, par exemple. Tout à fait. Et ça fait penser d'ailleurs à ce que sont... au propos des musées, parce que les musées, il y avait cette magnifique exposition La jeunesse des musées il y a quelques années, quelques dizaines d'années plutôt d'ailleurs, et où on voyait que 2 musées sur 5 venaient de collections entièrement constituées par des particuliers, effectivement, avec ce souci pédagogique d'emmener les enfants justement à la découverte de l'histoire. Il y a aussi à travers ce texte cette idée de voyage pour recueillir ces objets de la collection, et puis voyage, lorsque la collection sera transmise, sera exposée, l'enfant pourra voyager lui aussi au cours des temps et des civilisations. C'est une grande idée du 19e siècle. Oui, c'est un texte qui est, je trouve, vraiment l'articulation entre les amateurs et les cabinets de curiosité du 18e siècle, étudiés notamment par Charlotte Guichard, et puis la collection de la seconde partie du 19e. Érudite, encyclopédique. Oui, et en même temps un peu fourre-tout. Et on est un peu entre les deux, parce qu'il y a un désir de mise en ordre par des sortes de période rooms comme ça qui construisent un discours. Et en même temps, donc j'ai travaillé un peu cette collection, chaque pièce est un fourre-tout absolu, un capharnaüm, voilà. Ouais, disons qu'il n'y a que le propriétaire qui s'y retrouve, voilà, d'une certaine façon. Mais il faut rentrer dans le cerveau du propriétaire. Mais effectivement, voilà, il dit plusieurs fois moi-même, on sent que ce qui est au cœur, c'est ça. Et effectivement, ça retrace aussi, et ça fait complètement écho au bibliotage, c'est-à-dire à la Chine, à la recherche de ces objets. Donc c'est une espèce de double histoire, et on l'entend bien là, une histoire de l'humanité, et puis une histoire personnelle. Très très marquée, une histoire familiale et personnelle. Ça évoque aussi des rêves de décorateurs des années 1880, où on dit, mais le rêve serait d'avoir une pièce par période. Alors une pièce pour l'Antiquité, une pièce pour les Grecs, une pièce pour les Romains, une pièce pour la Renaissance, et la maison parfaite se réunirait justement toutes les époques. Et c'est exactement la même idée. C'est l'idée de musée, quoi, se faire son petit musée. se continuer. Avec et cette traverser idée aussi, l'histoire aussi. Voilà, alors la question de l'histoire aussi, qui est très présente évidemment au XIXe siècle. C'est-à-dire qu'il faut recueillir ces vestiges du passé qui peut-être disparaîtront. Enfin, il faut commencer à constituer cet héritage. Manuel Charpy, il faut vraiment se faire protecteur à la fois des arts et puis protecteur de plus en plus des objets menacés de disparition, des civilisations menacées, etc. Ou en train de mourir. Et puis il y a cette idée aussi que dans l'intimité, là c'est clair quand on s'adresse comme ça à son fils, à son petit-fils, que c'est dans l'intimité, qu'on, avec ces objets anciens ou exotiques, qu'on va sentir les choses, qu'on va pas seulement apprendre de façon intellectuelle, mais qu'on va aussi vivre un rapport au passé, et qu'en vivant au milieu des objets du passé comme ça accumulés, on va sentir quelque chose intimement, quelque chose de l'histoire. Et sur du coup, effectivement, la mise en scène, la mise en espace et en forme de ces collections est très très importante. Au même moment, en fait, en gros, à partir des années 1830, on développe des meubles dédiés à ces collections que sont les vitrines. Les vitrines arrivent dans les intérieurs dans ces années-là. Et c'est une manière aussi de présenter les objets tout en évitant qu'ils envahissent complètement les appartements, c'est-à-dire de contenir les collections. Donc on invente ce dispositif visuel de la vitrine. Il y a aussi cette idée juste de la question de la transmission aussi. Là, on transmet dans la famille, la collection reste dans la famille, mais parfois la collection peut être vendue, on l'a vu à l'hôtel de Rouault, dispersée aussi dans la propre famille, dans une propre famille. Oui. Alors, c'est cette idée de... Alors, en même temps, là, on a le texte, qui fait don, en quelque sorte, qui transmet une collection. On n'a pas vraiment la réception de cette collection. Là, en l'occurrence, c'est une collection assez prestigieuse, assez riche, on va dire. Mais ce qu'on voit très bien dans tous les testaments, après 1850, c'est que tout le moindre petit collectionneur ou collectionneuse fait don de sa collection à ses enfants, explique comment s'en occuper, comment la mettre en forme, comment la continuer parfois. Et ce qu'on voit quand même avec les archives privées, c'est que ces collections meurent avec le collectionneur, en fait. Mais il faut apprendre aussi à être collectionneur. Il y a pour ça des sortes de petits guides qui vous disent comment procéder ou se doter de ces œuvres d'art que l'on va exposer chez soi. Et c'est un petit guide qui s'appelle Paris Guide, par les principaux écrivains et artistes de la France. Première partie, La science et l'art, Paris, Librairie internationale, 1867. Ce texte nous est lu par Daniel Königsberg. Quand un étranger vient à Paris, il sait à peine que Paris égale à peu près Londres et Vienne pour les collections particulières. Le Louvre, le Luxembourg, l'hôtel Cluny, les bibliothèques, le cabinet des estampes, les archives, la Sainte-Chapelle, Notre-Dame, tous les monuments publics, très bien. On va voir ces dépendances de l'État généreusement ouvertes à tout le monde, mais chez les particuliers, il doit bien y avoir des trésors. Dans toutes les ventes célèbres dont Paris est le centre européen, n'est-ce pas la haute finance, la riche aristocratie qui achète à des prix fantastiques toutes les raretés en objets d'art et en tableaux? Où donc s'accumulent ces merveilles et comment faire pour les voir? Les Parisiens eux-mêmes ne connaissent guère que de nom les principales collections de Paris. Il n'y a peut-être pas un seul artiste qui ait visité les galeries de Lord Hertford, du baron James de Rothschild, de messieurs Émile et Isaac Perret, du comte du Châtel, du baron Seyère, de monsieur Schneider, du duc de Galliera, de monsieur François de Lesser, du prince Czartoryski, de monsieur Lacaze et quelques autres qui marquent en première ligne. Il faut dire que l'entrée de plusieurs de ces galeries est assez difficile, ou du moins qu'elle exige des lettres de référence, comme disent les Anglais, des démarches contournées et presque des intrigues diplomatiques, relations personnelles, recommandations indirectes, de l'obstination et beaucoup de temps. Un fanatique qui se mettrait en tête de voir sommairement les collections particulières de Paris devrait y consacrer plus d'une année. Mais combien donc Paris compte-t-il de collections? Plus de 300. Je ne parle que des collections de tableaux anciens et modernes. Ajoutez les tableaux égarés comme simples objets de décoration dans les maisons, dans les ateliers et jusque dans des mansardes. En conscience, il y a trop de tableaux. Anne-Martin Fugier, voici ce texte donc de Paris Guide en 1867. On voit qu'il y a déjà une bascule par rapport à ce qu'on décrivait tout à l'heure, 1840, 1850. Et là, 1867, au milieu du Second Empire, à la fin presque du Second Empire, on voit bien que la collectionnite s'est emparée de Paris comme des autres capitales européennes. Oui, il y a beaucoup de collections privées à ce moment-là, beaucoup plus que dans la première partie du siècle. Mais on voit qu'il y a un rite qui a été gardé, c'est le rite de la visite. Car c'était une tradition princière. Au début du XIXe siècle, on pouvait demander à visiter les collections privées des grands. Et dans la deuxième partie, on voit, et on le voit dans la très belle exposition Durand-Ruel qui a lieu en ce moment au Luxembourg, qui commence justement sur le salon de Durand-Ruel. Ruel, puisque Durand-Ruel ouvrait sa collection de peintres impressionnistes, ouvrait son appartement. En somme, il doublait sa galerie de son appartement. Et jusqu'à la fin du siècle, n'importe qui, il suffisait de prévenir la veille, n'importe qui pouvait aller voir le salon de M. Durand-Ruel. À la fin du siècle, il y a eu tellement de monde qu'il a fallu, il a fallu scinder les visites en plusieurs fois et ne pas permettre à tout le monde. Il y avait des queues devant les Durand-Ruel. Les Stein ouvraient chaque samedi leur collection, Gertrude Stein et son frère, aux jeunes peintres, dites-vous, aux marchands, aux collectionneurs. Et il y a aussi une volonté, on entend les noms de ceux qui sont montrés ici, les Rothschild, les Perrer, il y a aussi une volonté pour les banquiers de ce milieu du 19e siècle de concurrencer, dites-vous, Anne-Martin Fugier, les collections princières du 18e ou de l'Empire, par exemple. Oui, bien sûr. Les bourgeois se légitimaient et les banquiers se légitimaient en faisant comme les princes, en accueillant les visiteurs de leur collection. Emmanuel Charpie, sur ce texte. Oui, et alors en même temps, en parallèle de ces grandes collections qui sont présentées comme ça, où effectivement on voit que la grande bourgeoisie, la nouvelle bourgeoisie se capte le prestige des collections, en parallèle se multiplient aussi dans Paris, et le texte le dit bien, des milliers de collections sur tous les sujets, de tous les motifs, et puisque le texte signale qu'on parle que des collections de tableaux. Mmh. Mais en fait, c'est un mouvement beaucoup plus large. Et des coquillages, voilà, on a des collections, des absolument médailles partout. Et les motifs explosent aussi, c'est quand même un changement assez important au cours du 19e siècle. Tout objet peut faire l'objet de collections. Vous dites qu'il y a des collections de chaufferettes, voilà, des collections de chaufferettes, de chaussures, de bouchons de carafes, très à la mode. Voilà, d'éventails, de coquillages, on a entendu tout à l'heure d'insectes. Donc on a ces deux mouvements, c'est-à-dire des grandes collections très prestigieuses, et puis une pratique de la collection qui se diffuse dans toute la société, voilà, et qui rejoue, on y reviendra peut-être, mais réinvente aussi des sociabilités en lien avec ces collections. Mais à l'intérieur même de ces grandes collections, enfin de banquiers, d'industriels, il y a aussi une partition entre ceux par exemple qui collectionnent que de l'ancien et puis ceux qui vont se mettre à collectionner du moderne et voir qu'ils vont aussi faire des... qui vont se rendre compte, mais ça sera plutôt à la fin du siècle, qu'on peut faire du bénéfice aussi en vendant cette peinture. Martin Fugier. La nouveauté, c'est que justement à partir de l'existence de Drouot, et on découvre tout d'un coup que le moderne rapporte tout autant d'argent que l'ancien. Et dans les ventes, une des ventes les premières, c'était celle de la duchesse d'Orléans, qui vend la collection, et qui est à l'étranger, mais qui vend la collection de son mari. Et par exemple, il y a des tableaux d'orientalistes que le mari avait payé 4000 francs et qui se vend 40 000 francs 10 ans après. Donc en 10 ans, ce que disent les journaux, c'est qu'on peut faire des affaires avec du contemporain. Avec des peintres vivants. Avec des peintres vivants, c'était ça la différence, effectivement. Mais est-ce que c'est bien vu, ça, Anne-Martin Fugier, en même temps, même si ça existe, de faire des affaires? Est-ce que le collectionneur, l'aristocrate collectionneur, enfin dans le sens celui qui est le mieux vu, enfin le plus pur, c'est pas celui justement qui ne cherche pas qu'à faire de l'argent, mais c'est celui qui est un connaisseur, qui va acheter des choses, des peintures, des œuvres. Oui, bien sûr, mais pour elle-même. Mais c'est surtout très mal vu des peintres eux-mêmes, parce que quand les peintres voient que les collectionneurs vendent leurs tableaux, ils ne sont pas contents du tout. Degas, par exemple, on veut à mort à des gens qui se sont séparés de ces tableaux. Oui, vous dites que Degas raconta à Lévy en février 1897 la scène qu'il avait opposée à Théodore Duret en particulier. Il dit il avait des tableaux de nous tous, il les a vendus il y a 2 ans et solennellement, il avait lui-même écrit la préface de son catalogue. J'ai été leur ami, disait-il. J'ai été à son exposition, poursuit Degas racontant cette histoire à Daniel Lévy. Il était là, il m'a tendu la main. J'ai retiré la mienne. Il m'a dit, y pensez-vous, nous de vieux amis, je peux vous envoyer des témoins. Vous m'enverrez ce que vous voudrez, dit Degas. Je ne vous donnerai pas la main si vous êtes ruiné. S'il faut que vous vendiez vos tableaux, vous devez au moins les vendre tristement. Vous vous glorifiez d'avoir été notre ami. Dans tout Paris, vous faites afficher vente durée. Je ne vous donnerai pas la main. Votre vente ratera d'ailleurs. Quelques-uns d'entre nous sont bien représentés, d'autres pas. Vous perdez notre estime et vous ne gagnerez pas d'argent. Et Degas a un fichu caractère, mais il a, en l'occurrence, il avait probablement raison. France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Il est 9h32, vous écoutez La Fabrique de l'Histoire. Aujourd'hui, dans notre semaine sur l'histoire des collections, nous traitons des collectionneurs du 19e siècle avec des lectures lues par Daniel Königsberg, avec Séverine Yatard, avec Anne-Martin Fugier et avec vous, Manuel Charpie. Oui, pour revenir sur la question de l'argent, il y a aussi toute une mythologie des collectionneurs. Pas tant de spéculer, même s'il y a énormément de textes sur ça, mais de faire des bonnes affaires, c'est-à-dire des trouvailles. Il y a l'idée chez le collectionneur qui serait authentique, qui se construirait un goût personnel, d'acheter les objets pour très, très peu cher. Donc l'idée que l'argent, effectivement, n'est pas au centre de la pratique de la collection, c'est le goût qui doit être au centre. Un découvreur, enfin. Voilà, c'est ça. Quelqu'un qui est qui capable à se former, d'inventer des objets, c'est-à-dire de les trouver et de les désigner. Et donc voilà, l'argent ne doit pas être au cœur de la pratique de la collection. Et il y a constamment des textes qui dénoncent l'affairisme. Oui, et puis les nouveaux riches s'achètent des collections massivement sans goût, alors qu'un authentique amateur est capable de choisir des objets. Et puis le phénomène est d'autant plus fort et va presque à son paroxysme avec les toutes petites collections. Qui, en gros, à partir des années 1870-80, deviennent des collections d'objets sans valeur. C'est-à-dire qu'on se met à accumuler des bibelots de rien, achetés sur les boulevards ou même dégotés chez un brocanteur, etc. Et c'est l'assemblage de tous ces objets qui ne valent rien qui, ensemble, sont censés prendre une valeur. Ça marche ou ça ne marche pas? Oui. Globalement, ce qu'on voit, c'est que ça marche pas vraiment. C'est-à-dire que les collections, alors de temps en temps, ça marche, mais globalement, le souci est plutôt le souci de ces collectionneurs en fin de vie est plutôt le souci du devenir de ces collections. On voit beaucoup de collectionneurs tenter de rentrer dans des musées, de proposer à des musées. On voit beaucoup de refus. Et puis voilà, cette inquiétude quant à la postérité, même familiale, de ces collections. Anne-Martin Fugier. L'inquiétude du collectionneur quant à la postérité, moi, ça m'a beaucoup frappé quand j'ai travaillé sur les collectionneurs contemporains, les collectionneurs d'aujourd'hui. Ouais. C'est que tous sont très inquiets parce que tous savent qu'effectivement, la collection, c'est une affaire personnelle. Et comme le disait Manuel tout à l'heure, que leur collection se terminera probablement avec eux. Oui, c'est ouvrir le crâne de quelqu'un et savoir un peu quels sont ses fantasmes, ses désirs, parce qu'il y a cette dimension de désir est très forte aussi. Il n'y a pas simplement le désir de gagner de l'argent quand on spécule, il y a aussi simplement le coup de cœur que l'on peut avoir quand on entre chez un brocanteur ou dans une galerie. Anne-Martin Fugier, vous racontez ça à propos des collectionneurs d'art contemporain de l'époque de la fin du 19e siècle. Oui, bien sûr. Oui, c'était une... D'ailleurs, quelqu'un comme Durand-Ruel l'avait très bien compris. Dont Zola disait qu'il avait une fêlure artistique, car il avait aussi, tous ces grands marchands avaient aussi une âme de collectionneur, et donc avaient une passion pour... ils ne faisaient pas que spéculer, ils se mettaient à avoir une véritable passion pour telle ou telle œuvre, effectivement. Une autre lecture dans l'émission de ce matin, donc consacrée aux collectionneurs du 19e siècle, il s'agit de Alphonse Maze Sancier, ancien inspecteur des musées de Saint-Étienne, qui écrit le livre des collectionneurs. Nous sommes en 1885 à Paris. La variété des collections est infinie, suivant la fortune, le goût, le caractère et la bizarrerie des individus. Certains amateurs sont spécialistes. Ils recherchent tout ce qui a trait à une localité. Parfois se restreignent-ils à un genre, comme la céramique, les livres, les autographes, les monnaies, la verrerie. Et dans un seul genre, que de divisions. Nous avons l'amateur de céramique qui accueille toutes les poteries, faïences et porcelaines, d'où qu'elles viennent, pourvu qu'elles offrent de l'intérêt. Nous avons l'amateur de faïence, dont le cabinet ne reçoit aucune porcelaine, puis l'amateur de faïence italienne, française ou allemande. Enfin, le curieux de faïence de Marseille, de Strasbourg, de Nevers, de Delft ou de Rouen. Il en est de même pour les porcelaines. D'autres sont œuvristes, ils s'attachent à posséder l'œuvre complète d'un maître. Quelques-uns, épris de tel ou tel personnage, comme Marie-Antoinette, Louis XVI, Louis XVII, Napoléon, ont cherché à rassembler la collection complète de leurs portraits obtenus par la gravure ou la lithographie. D'autres, enfin, et c'est la grande majorité, sont éclectiques. Ils admirent ce qui est admirable et recueillent les pièces de choix dans tous les genres sans s'inquiéter si elles complètent une série ou forment un tout parfaitement homogène. Les belles choses n'ont pas besoin de pendant. On le remplace par une autre rareté et puis un beau désordre est un effet de l'art. Tous les genres de collections sont possibles, dit M. Feuillet de Conches. Peut-être quelques-unes d'entre elles pourraient-elles bien ne pas valoir le temps qu'elles ont coûté. Encore, pour le dire en passant, vient-il un jour où les objets les plus indifférents empruntent, de circonstances inattendues, un certain intérêt ? Les collectionneurs ont rendu de grands services aux lettres, aux sciences et aux arts. L'histoire de la céramique n'eût offert aucun intérêt sans les innombrables pièces signées et datées qui ont servi de jalon pour apprécier le talent des artistes décorateurs et comprendre le caractère de chaque fabrication. À l'aide des collections d'autographes, on a appris à mieux connaître les personnages de chaque époque et l'on a pu rectifier des erreurs historiques. Les collections de dessins, de tableaux, de gravures, de miniatures ont été d'un grand secours pour écrire l'histoire des peintres et des graveurs et ont permis de donner leur œuvre complète. Voilà donc cette lecture de Alphonse Maze-Sancier, ancien inspecteur des musées de Saint-Étienne, le livre des collectionneurs en 1885. Manuel Charpie, il y a à la fois un peu d'ironie, on voit bien dans la première partie de ce texte, et puis en même temps, on rend grâce aux collectionneurs d'avoir su conserver au moins des œuvres ou des objets qui, sans eux, aurait fini par disparaître. Oui, et c'est tout le discours sur la seconde partie du 19e siècle, et qui est toujours un peu ironique en même temps, qui présente effectivement le collectionneur comme quelqu'un qui sauve le passé en général, mais aussi qui sauve des traces des sociétés en train de disparaître, des objets indiens, des Indiens d'Amérique, etc. Donc oui, il y a cette idée que Le collectionneur, dans son intérieur, fait une espèce d'arche de Noé, comme ça, des autres sociétés. Et puis, effectivement, chez les collectionneurs, on voit ce désir, un jour, d'être reconnu par une institution. Et il y a tous les legs et les dons faits, notamment au musée du Louvre, par exemple, en matière de céramique, qui font un peu fantasmer tous les collectionneurs. Et ce qu'on voit aussi dans ce texte, c'est que l'explosion du nombre de motifs de la collection s'accompagne de la construction d'identité. Et de hiérarchie aussi, de hiérarchie implicite. C'est-à-dire qu'on finit... Vous n'êtes pas d'accord parce que vous dites que dans certaines de collections, on peut avoir des mèches de cheveux, une huile sur toile et une photographie. Et pour le père de la collection, ça a la même valeur, tout ça. Mais ces hiérarchies, c'est pour le marché plus tard, quand tout cela disparaît. Oui, mais c'est vrai qu'au moment de l'achat et de l'accumulation de ces objets, je ne suis pas sûr que les hiérarchies de valeur soient si... Évidemment, il y a des pièces maîtresses des collections, mais c'est l'ensemble et la réunion de briques et de brocs qui fait quand même d'abord sens. Enfin, c'est la réunion qui fait sens. Anne-Martin Fugier. Oui, quant aux legs au musée, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point les musées freinaient des quatre fers. En ce qui concernait en tout cas les modernes, donc, quand on voit la difficulté que le Louvre a eue pour accepter les donations. La donation Caillebotte, par exemple, parce que finalement, la grande idée, les gens qui voulaient faire une donation le savaient que de toute façon, vu l'esprit académique qui régnait dans le système des beaux-arts, on refuserait tout ce qui n'était pas peinture classique. Mmh. Et donc, Caillebotte avait pris soin de donner toute sa collection en 10 ans, mais vous ne pouvez pas en soustraire un seul. Alors, la négociation a été très rude, elle a duré 2 ans, finalement on en a quand même soustrait une vingtaine, mais au bout du compte, c'est grâce justement à ce désir de garder l'unité de l'ensemble que les impressionnistes sont rentrés au Luxembourg et ensuite au Louvre. Mais qu'est-ce que ça dit de la société du 19e, cette collectionnite ? C'est-à-dire cette idée qu'il faut amasser, recueillir des objets. Alors ça dit sur la société industrielle émergente qui bientôt va produire de l'objet en série. Donc on collectionne les objets à teneur unique, par exemple. Qu'est-ce que ça dit finalement, cet engouement littéral, il semble-t-il, de la collection. Sans doute, mais il y a aussi l'idée, je pense, très forte, une sorte de une forme de nostalgie, on pourrait dire. Le passé et l'histoire, alors. Oui, mais de voir la société changer. Changer très vite. Assez radicalement. Et donc de préserver, de conserver. Donc ça, c'est une idée quand même très, très, très forte. Ça va en même temps que le goût du patrimoine, que l'érimée, que la protection des monuments historiques, etc. C'est d'un seul coup le goût de l'ancienneté, en fait. Hein, la valeur de l'ancienneté qui est promue. Et puis en même temps, cette idée que le monde s'uniformise, qui est déjà c'est un discours déjà très, très présent dès les années 1860. Et donc l'idée qu'il faut garder ses traces, voilà. Ça dit aussi l'affirmation d'identité très forte par ces collections. Enfin, c'est aussi le triomphe de l'intimité de l'individu. Quand on regarde les collections, en fait, on peut s'amuser à retracer le parcours des collectionneurs et je ne sais pas, tel personnage va collectionner que des objets qui viennent d'Auvergne, parce que lui-même vient d'Auvergne, il va nourrir un peu ses racines. La question du régionalisme, alors du coup Oui, il y a le régionalisme, il y a l'identité professionnelle, donc ça a construit une identité. Mais c'est vrai que tout ça est à mettre en rapport avec Alto démolisseur de Victor Hugo en 1820. Oui, bien sûr. Exactement. Donc là, un grand sens de la préservation et du fait que le passé a une valeur. Oui. Et on trouve des collectionneurs à Paris, on en a beaucoup parlé, mais il y en a aussi ailleurs. Vous avez travaillé, Emmanuel Charpie, sur le collectionneur qui était Jules-Émile Scrive, qui lui vivait à Lille, enfin plutôt juste dans la banlieue de Lille, puisqu'il était d'abord à Oisem et puis ensuite à Marquette. Et lui, alors il est typique de ce collectionneur bourgeois qui veut se meubler vieille France parce que ça lui permet de se redonner un peu de cette antiquité qu'il n'a pas naturellement et qui collectionne à peu près tout et qui justifie cette collection par son goût personnel. Oui, alors ce qui est très intéressant avec Jules-Émile Scrive, c'est qu'il écrit en même temps sa collection, ce qui est une pratique qui devient extrêmement courante. C'est-à-dire qu'en gros, les collections ressemblent à des autobiographies matérielles et qu'elle s'accompagne en général d'un journal intime qui lui-même parle des collections. Et donc, vous avez donc le texte qui va avec la collection. Voilà, le texte qui accompagne. Donc, ça, c'est utile à l'historien. Voilà, c'est utile à l'historien. Et puis, en fait, ça montre aussi que ce sont des pratiques parentes, la pratique de la collection, la pratique de l'écriture de soi, en fait, se répondent de plus en plus. L'autre chose qu'on voit dans ce... Effectivement, quand on prête attention aux collectionneurs de province, et notamment à travers les archives, et notamment les correspondances des antiquaires, des marchands de curiosités, etc., c'est qu'il y a toute une sociabilité qui se met en place. Il y a une sociabilité qui se met en place à Paris, dans les boutiques notamment, des antiquaires. Qu'est-ce que vous appelez une sociabilité entre ces gens-là? Alors, les antiquaires comprennent que le collectionneur, c'est quelqu'un qui se replie sur lui-même et sur sa collection, mais c'est aussi quelqu'un qui cherche à recréer des relations sociales en dehors du milieu professionnel. Et donc, les antiquaires vont organiser des rencontres. Et pour la province, ce qu'on voit, c'est que ces collectionneurs sont mis en réseau par les marchands, souvent, par des systèmes de courrier, puis on fait circuler des caisses d'objets entre collectionneurs. Et puis, vous avez tout un tas de journaux qui se développent dans la seconde partie du siècle, notamment, je pense, à la Curiosité universelle, qui est un sous-titre qui fait des kilomètres parce qu'on liste toutes les spécialités. C'est des journaux, par les petites annonces, où on met en relation les collectionneurs en France. Anne-Martin Fugier, sur cette sociabilité. Oui, la sociabilité des collectionneurs était quelque chose très important. Et l'an dernier, il y a eu une très belle exposition au Musée du Luxembourg qui s'appelait « Autour du cercle de l'art moderne », qui était un groupe de collectionneurs du Havre au début du XXe siècle. Et on voit qu'ils avaient toute une sociabilité, pas seulement du côté de leur collection, de ce qu'ils ont donné au musée, etc., mais aussi parce qu'ils faisaient un groupe intéressé par la musique moderne. Et donc, ils se réunissaient, ils ont légué et ils ont fait des œuvres très utiles au Havre. Dans votre livre sur la vie d'artiste au XIXe siècle, vous racontez, Anne-Martin Fugier, l'aventure de cette petite société qui était créée par Level, qui était patron des docks de Marseille à l'époque, qui s'appelait la Peau de l'Ours en 1904. Ça a d'ailleurs donné l'idée à d'autres collectionneurs dans les années 60 de créer une collection qui s'appelait la Peau du Chat. Et donc, était un club de collectionneurs, c'est-à-dire qu'on mettait 200 francs par an et puis ensuite, on achetait ensemble des tableaux et 10 ans plus tard, elle durait 10 ans, cette collection, on l'a dispersée ou on l'a conservée, ça dépendait. Là, en l'occurrence, elle fut dispersée au bout de 10 ans, c'est-à-dire en 1913, cette collection voulue par Level et ses amis. C'est un club d'acheteurs, en fait. Oui, absolument. Mais les clubs d'acheteurs existent encore maintenant. Mais on a vu le problème que ça pose, c'est qu'il y a des gens qui veulent garder tel ou tel tableau, telle ou telle œuvre. Et donc, ça devient quand même très difficile de faire marcher tout ça, malgré tout. Alors, si on s'intéresse à ces personnages à la fin du 19e siècle, il y en a un qui était très important, c'était M. Chauchard. Il dirigeait les grands magasins du Louvre. Il avait une très belle collection. On entend parler de lui, par exemple, dans l'ouvrage de Marcel Fouquier, « Jours heureux d'autrefois », paru en 1941 chez Albin Michel. Chauchard avait réuni une belle collection de tableaux. Les aimait-il ? C'est possible. Mais ce qu'il voulait surtout, c'est qu'on sût qu'il les avait payés cher et qu'on vint les voir chez lui. Son vœu se perpétue puisque la plus grande partie a été léguée au Louvre, tel son fameux Angelus de Millet. Il espérait volontiers recevoir les félicitations des Beaux-Arts à ce sujet. Se croire influent était sa marotte. Aussi, à l'Élysée, sous le septennat de M. Loubet, le voyait-on se prélasser sur le canapé présidentiel à côté du maître de la maison. Ses largesses et legs à l'État lui avaient valu la grande croix de la Légion d'honneur. Ce grand cordon l'enchantait. Mon père me racontait que M. Tirard, alors chef du gouvernement, sollicité entre deux postulants, Chauchard et Richard Wallace, avait opté pour le directeur des magasins du Louvre. Cela fut cause, je le redis, que la superbe collection d'objets d'art réunis à Bagatelle quitta, hélas, la France vers 1901 pour passer à Londres, par suite du dépit de Sir Richard, et échut en don à la nation où elle figure à Hertford House, comme spécimen des plus beaux objets d'art français du XVIIe et XVIIIe siècle. On l'a estimé à 1 milliard. Que n'a-t-on tout fait alors pour satisfaire en même temps deux vanités chatouilleuses ? Alors on voit bien à travers ce texte, alors c'est la collection comme faire valoir, il faut l'exposer, il faut la montrer, il faut mettre en valeur les tableaux les plus onéreux, voire Chauchard, vous expliquez dans votre ouvrage, Anne-Martin Fugier, que parfois Chauchard n'achète pas certains tableaux lorsqu'ils ne sont pas suffisamment onéreux. Oui, c'est un critère. Il disait, ça n'est pas assez cher pour moi. Oui, c'est bien, mais ça n'est pas assez cher pour moi. Mais Chauchard avait pensé, je crois qu'il ne l'a pas fait finalement, mais devant son corbillard, faire porter son tableau le plus cher. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on raconte de lui, effectivement. Donc c'est un type de collectionneur très particulier, c'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment goût pour l'art véritablement, il a plutôt goût pour la monstration de l'art. Oui, certainement. Et son histoire de l'Angelus, d'ailleurs, est extraordinaire parce que finalement, il a fini par racheter l'Angelus qu'il a fait revenir des États-Unis. Bon, et ça valait 800 000 francs. Et la question a été, une fois que l'Angelus a été chez lui, quand il a fait visiter son hôtel, les gens disaient, ça n'est que ça. 800 000 francs, mais c'est pas grand-chose. C'est tout petit, finalement, pour ce prix-là. Donc, oui, ça n'était pas un grand tableau de bataille. Voilà, ça n'était pas Meissonnier. Oui, c'est ça, ça n'était pas Meissonnier. Voilà. Alors, il exposait ce Chauchard dans son hôtel particulier, qui est maintenant le siège de la bonne société qui nous reverse des droits d'auteur, à nous, producteurs de radio, la SCAM, au 5 avenue Velasquez. Il exposait les 5 plus beaux tableaux de sa collection, c'est ça ? Il avait scindé sa collection en deux pour que dans son hôtel particulier, on puisse voir les tableaux les plus beaux, oui, les parce plus chers. Il avait 185 tableaux au total, ce qui était quand même très bien. Mais il avait construit une galerie dans son hôtel. Et donc, il y avait là-dedans 3 Millet, dont ce fameux Angelus, qui a déçu tout le monde, et 2 Meissonnier. Meissonnier qui, d'ailleurs, c'est intéressant, parce qu'on voit qu'à la fin du 19e, Meissonnier avait une cote extraordinaire. Et en fait, ses prix sont tombés après sa mort. Ses prix ont été divisés par 2, parce que la cote ne correspondait pas à sa valeur. Alors, si on avance vers le début du 20e siècle, à la toute fin du 19e siècle, il y a évidemment l'irruption, pourrait-on dire, dans le marché de l'art et des collections, de tout un tas d'acheteurs étrangers, en l'occurrence. Et ces acheteurs étrangers changent peut-être beaucoup de choses. Ils existent auparavant, Manuel Charpie ? Ils existent quoi, à partir de 1850, 1860 ? Oui, on les voit déjà quand même très très présents dès le milieu du 19e siècle. En tout cas, on a une élite européenne qui circule et qui fabrique... Oui, mais il y a l'élite du Nouveau Monde qui va arriver. Il y a l'élite du Nouveau Monde qui va arriver, voilà, c'est ça le basculement. Et les marchands sont aussi très internationalisés. Voilà, alors j'allais dire, mais Durand-Ruel est vraiment essentiel là-dedans, parce que quand il y a eu une crise ici dans les années 1870-80, il s'est embarqué pour les États-Unis. Oui, dès la première exposition impressionniste, il comprend que ça ne marche plus, il n'y a plus d'acheteurs ici, voilà. Et qu'il va falloir promouvoir les impressionnistes au-delà de l'océan, voilà, Atlantique. Donc il s'embarque avec des centaines de tableaux à Boston, à New York, bien entendu à Londres, etc. Et dans les années 1880, il a de très grands collectionneurs. C'est comme ça qu'on retrouve nos impressionnistes dans les musées américains. Bien sûr, Dr. Barnes. Bien sûr. Et à Baltimore, il y a des collections magnifiques. À Philadelphie, bien sûr. Oui. Et évidemment, il y a aussi un autre marchand de tableaux très célèbre, c'est Ambroise Vollard. Souvenir d'un marchand de tableaux, paru en 1937 chez Albin Michel. Je revois chez les Stein, au mur de l'appartement, des Matisse, des Picasso, et de Cézanne, un portrait de Madame Cézanne en gris dans un fauteuil rouge. Cette toile m'avait appartenu et je l'avais prêtée à une rétrospective du maître d'Aix organisée au Salon d'automne de 1905. Comme j'allais fréquemment à cette exposition, il m'arrivait d'apercevoir les Stein, les deux frères et leurs sœurs assis sur une banquette en face de ce portrait. Ils le contemplaient silencieusement, jusqu'au jour où, le salon ayant fermé, M. Léo Stein vint m'apporter le prix de la toile. Il était accompagné de Mademoiselle Stein. « Maintenant, dit celle-ci, le tableau est à nous. On aurait dit que le frère et la sœur venaient d'acquitter la rançon d'un être cher. C'est une personnalité très complexe que celle de Mademoiselle Gertrude Stein. » À la voir avec sa robe de gros velours de coton, ses sandales à lanières de cuir et toute son allure un peu bonasse, on dirait une ménagère dont l'horizon est borné aux relations avec le fruitier, le crémier, l'épicier. Mais que ses yeux se croisent avec les vôtres, on se rend compte tout de suite qu'il y a en Mademoiselle Stein autre chose qu'une bourgeoise. La vivacité de son regard trahit vite chez elle l'observateur à qui rien n'échappe. Et oui, cet observateur, il va au-delà des conventions, en particulier quand il arrive de très loin. Il ne sait pas très bien, il ne fait pas partie de ce monde de l'art français qui rejette par exemple le cubisme ou l'impressionnisme plutôt. Il a moins d'a priori que les autres, d'une certaine façon. C'est Stein, ils vont comprendre que Matisse est un grand peintre très tôt, ils vont comprendre que Picasso est un grand peintre dès 1904. Il faut dire que les Stein étaient passés avant par Florence. Ils venaient des États-Unis, ils sont passés par Florence, ensuite ils sont installés à Paris et ils ont vu beaucoup de choses et rencontré beaucoup de peintres. Et voilà comment ils se sont fait un œil, en somme, sur place. Ça, c'était très important. Et ça allait aussi avec Gertrude. Et ça, c'est un cas intéressant parce qu'ils ont commencé ensemble, Gertrude et Léo. Mm-hmm. Et puis Léo s'est dépris. Il s'est retiré. Et c'est Gertrude qui a repris la passion pour les contemporains les plus intéressants. Et c'est comme ça qu'on arrive. D'ailleurs, le texte que vous venez de lire fait tout à fait penser au portrait de Gertrude par Picasso. Mm-hmm. Oui, ce fameux portrait qu'il a mis beaucoup de mois à construire et à créer. Ce portrait était très compliqué. Je crois qu'il a fait une trentaine de séances de pose. Oui, elle est allée poser des dizaines de fois et il avait beaucoup de mal à saisir l'expression. Oui. Des histoires de famille, alors aussi, des familles de collectionneurs. On le voit, alors peut-être pour la grande collection d'œuvres modernes, mais peut-être aussi pour la collection d'objets. Je ne sais pas, Manuel Charpie. Ou peut-être moins. Pour les collections plus modestes, on va dire, c'est moins net. C'est rare, en fait, que ça passe d'une génération à l'autre. Et par contre, ce qu'on voit clairement, c'est qu'au sein des familles, des couples, se développent des pratiques de la collection parallèles. Alors, c'est rare, quasiment jamais fondu. Il y a un dimorphisme sexuel très fort, c'est-à-dire que... Madame collectionne et monsieur collectionne des choses différentes. Oui, mais voilà, monsieur collectionne des choses savantes et madame collectionne des choses futiles. Voilà, c'est à peu près la partition dans la bourgeoisie moyenne. Donc Madame des bibelots, des éventails, des voilà, des choses charmantes et Monsieur des silex, Monsieur plutôt voilà, des choses, des choses sérieuses. Ça lui permet de s'inscrire dans la filiation de l'homme de Néandertal. En l'occurrence, un dernier mot sur cette fin 19e siècle et début de 20e siècle, puisqu'on arrive au terme de notre émission. Anne-Martin Fugier, il y a aussi cette dimension que on comprend à ce moment-là. Que l'art contemporain, ce qu'on appelle l'art contemporain de l'époque, c'est-à-dire ces impressionnistes et puis plus tard ces cubistes, par exemple, eh bien, on peut faire de l'argent avec. Et ça, c'est une véritable nouveauté, alors que ça n'était pas le cas auparavant. On le voit dans les ventes, la vente Rouart en 1912, où on voit un Degas qui se vend 415 000 francs, je crois. Et Degas disant, l'air un peu étonné et abasourdi, et moi qui l'avais vendu 500 francs. Mais c'est curieux des tableaux que j'ai vendus 500 francs, dit-il. Oui. C'est ce que vous racontez dans votre livre. À une Américaine. À Louisine Avmeyer, qui est une grande collectionneuse. Et qui la femme du roi du sucre. Voilà, exactement. Et qui a fait don de tout ça. À divers musées. Mais oui. Aux États-Unis. Merci à vous. Donc, merci à Daniel Koenigsberg d'avoir lu les textes pour nous. Merci à vous de les avoir choisis, à tous les deux. Manuel Charpie, on attend avec impatience maintenant, parce que ça fait quelques mois qu'on en parle quand vous venez à ce micro, la publication de votre livre tiré de votre thèse sur ces collectionneurs et sur ces collections bourgeois, enfin sur ces décors bourgeois, intérieurs bourgeois du 19e siècle. Ça s'appellera Le théâtre des objets. Le théâtre des objets, ça sera chez Flammarion dans quelques mois. Maintenant, on peut le dire. Et puis, pour vous, Anne-Martin Fugier, eh bien, il faut trouver sur une brocante, par exemple, ou sur un site en ligne qui vend de la brocante, votre livre La vie d'artiste au 19e siècle. Formidable livre, malheureusement, qu'on ne peut plus trouver en librairie. Donc, La vie d'artiste au 19e siècle, il n'est pas si vieux que ça. Il est 2007 tout de même. C'est ça, quelque chose? Oui, oui. Et je suis très étonnée quand vous me dites qu'on ne le trouve même plus en poche. C'est que vous avez du succès. Et donc, ça veut dire que vous allez pouvoir faire monter la cote, en tous les cas, Anne-Martin Fugier. Et puis, on peut également trouver, à propos de l'art contemporain, votre trilogie, trois livres donc publiés chez Actes Sud. Le dernier vient d'être publié en poche dans la collection Babel chez Actes Sud. C'est galeriste, il y a aussi artiste et collectionneur. Donc là, c'est sur les collectionneurs, les artistes et les galeristes d'art contemporain. Des portraits. Merci encore, Anne-Martin Fugier. Merci beaucoup. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vonne Bolivier et Aurélie Marsay. Pierrick Monsigny était à la technique et Françoise Camard à la réalisation. Et on se retrouve demain pour conclure cette semaine sur les collectionneurs avec un sujet plus ardu, plus difficile peut-être. C'est mais une idée de vous, Emmanuel Laurent. Je l'assume complètement, mais éminemment intéressant, c'est-à-dire le transfert de grandes collections d'œuvres d'art grecques vers l'Empire romain en particulier. Comment se sont constituées les grandes collections de l'Empire romain? C'est ce que nous allons voir avec nos invités demain. Avec À Schnapp. Il y aura également Yann Potin. Madame Priou ? Oui, Evelyne Priou, voilà, qui sont les trois spécialistes de ce sujet-là. On débattra donc de ce transfert artistique, non pas de Paris à New York comme au XXe siècle, mais là, en l'occurrence, de l'Est de la Méditerranée jusqu'à l'Empire romain.